Chapitre 11. Les voyageurs arrivèrent à Bruxelles à la fin d'une journée pluvieuse. Ils montèrent aussitôt à leur appartement afin de s'habiller pour le dîner. Gemma venait de revêtir la robe de crêpe blanc, discrètement décolletée, qu'elle mettait pour le repas du soir, quand Mao entra et vint se jeter à son cou. « Enfin, te voilà! Tu m'as bien manqué, chérie !» Elle embrassait Gemma avec plus de chaleur qu'elle n'en avait coutume. « Voilà enfin ma solitude finie. Si tu savais comme je me suis ennuyée !»« Ennuyée avec ton mari ?» dit doucement Gemma. Mao eut une moue de colère. « Lionel est trop exigeant. Il me veut sans cesse près de lui. Voilà 15 jours, Brigida est venue. Elle a déjeuné avec nous. Elle voulait m'emmener à Nice, où nous aurions passé la soirée au casino. Martin serait venu me prendre avec la voiture. Eh bien, Lionel a refusé, sous prétexte qu'il ne pouvait se passer de moi. Voyant que j'étais de mauvaise humeur, il m'a dit « Mais ma chère amie, si je vous ai épousée, c'est afin que vous soyez la fidèle compagne de l'infirme que je suis. » Vous devriez comprendre combien il serait peu délicat de votre part de prendre un plaisir que je ne puis partager. » Et en disant cela, il avait un sourire détestable. Elle crispait les poings et son teint se colorait sous l'effet de la colère. Un infirme, il ne l'est pas tant que cela. Et quand même, ce n'est pas une raison pour me priver de toute distraction. Ces toilettes qu'il m'a fait faire... « Eh bien, c'est simplement pour lui, pour le plaisir de ses yeux, » dit-il. Gemma regardait la jeune femme en grand décolleté, un collier de rubis au cou, un cercle de rubis retenant ses boucles brunes. Son cœur se gonflait d'angoisse. Mais que pouvait-elle, puisque sa sœur n'avait pas voulu l'écouter lorsqu'il était temps encore ? Mais maintenant que sa grand-mère sera là, tout cela va changer, je pense. Elle va plusieurs fois par semaine à Cannes, à Nice, pendant la saison d'été, et elle m'emmènera naturellement. Puis, avec toi, je ferai des excursions en voiture. Oui, il était temps que vous reveniez tous, car, un peu plus, vous m'auriez trouvé momifiée par l'ennui. » Elle riait d'un rire un peu nerveux. Puis elle prit le bras de Gemma. « Tu es prête ? Descendons. Demain, tu me raconteras ton séjour à Dinard. Ah, que j'aurais voulu y être aussi !» Dans le salon jaune, Lionel accueillit Gemma le plus aimablement du monde. Il lui fit compliment de l'excellente mine due à l'air marin et se déclara enchanté d'apprendre que la santé d'Auberte s'améliorait. Comme Madame de Camparène, en parlant des amis et relations fréquentées par elle à Dinard, mentionnait Salvatore, il eut un ricanement sardonique. « Ah, notre grand artiste vous a honoré de sa présence, et quand aurons-nous le plaisir de le revoir ?»« Il m'a parlé du mois d'octobre, » dit Monsieur de Camparène. « Je crois qu'il compte rester ici une partie de l'hiver pour faire du ski. » « Oh, il faudra qu'il m'apprenne !» s'écria Mao. « J'en ai envie depuis si longtemps !»« Allons, allons, cher !» dit la douce voix de Lionel. « Croyez-vous que je voudrais voir ma précieuse Mao risquer de se briser quelques membres ? Laissons à d'autres ce jeu dangereux et choisissons d'autres distractions. » « Quelle distraction ?» Il y avait une note acerbe dans l'accent de Mao. « Je pense, au moins, que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je fasse quelques excursions en compagnie de Gemma. Nous ne connaissons rien des beautés de cette contrée. » « Mais non, pas d'inconvénient du tout. Peut-être même vous accompagnerai-je, puisque vous me faites le reproche de sauvagerie. » « Ce serait une bonne résolution de votre part, » dit Mao d'un ton radouci. Pendant le repas et toute la soirée, Lionel se montra aimable et brillant causeur. Mao avait repris sa gaieté. Gemma songeait. Peut-être, maintenant que ses grands-parents et moi-même sommes là, Lionel se montrera-t-il moins exigeant, moins égoïste. Il parut, en effet, les jours suivants. Il accompagna les deux sœurs à Saint-Martin-de-Vésubie et une autre fois dans la vallée de la Tinée. Madame de Camparène emmena Mao à Cannes, où elles passèrent 24 heures. Mais quand la jeune femme revint, heureuse, animée, elle se heurta à une humeur chagrine, à des reproches amers. « Vous vous êtes amusée, et pendant ce temps, je me rongeais d'ennui. »« Oh, pour 24 heures, Lionel, vous exagérez. » Je n'exagère rien du tout. Je ne puis me passer de vous, Mao bien-aimé, même pour un jour. » Mao se rebiffa. « Vous ne prétendez tout de même pas me tenir ici prisonnière ?»« Prisonnière ? Quel mot ! Est-on prisonnière près d'un mari qu'on aime et qui vous adore ? Mais, chère petite Mao, si je vous ai épousée, c'est pour que vous soyez tout à moi. Rien ne vous manque ici. » Vous êtes entouré à la fois de luxe et d'affection. Que pouvez-vous désirer de plus ? Rien peut-être, si j'avais 80 ans. Mais à mon âge, il faudra cependant vous habituer, ma très chère, car, sauf nécessité, vous ne me quitterez plus. Il avait un air de jubilation vraiment odieux en parlant ainsi, disait un peu plus tard Mao en racontant cette scène à Gemma. Et quand, indigné, j'ai essayé de protester, il a eu une façon de me faire comprendre qu'il m'avait épousée pauvre et que je devais m'estimer trop heureuse d'être comblée, comme il dit, comblée de luxe, de toilettes, de bijoux, qui me servent à quoi ? Elle avait les yeux pleins de larmes, mais la révolte faisait monter à ses joues une rougeur brûlante. S'il croit que je me laisserai faire, dès demain, je descends à Nice, je vais au cinéma, je me promènerai. » Mais quand le lendemain, avant le déjeuner, Mao annonça ce projet à son mari avec un air de bravade, il eut un sourire moqueur en répliquant « Je ne vous vois pas, ma chère, descendant à pied jusqu'à Nice. J'ai fait prévenir Martin de se tenir prêt pour 2 heures. » « Martin ne vous conduira pas sans que je lui en donne l'ordre. » Le visage de Mao s'empourpra. Elle se leva du fauteuil où elle était assise, tellement brusquement qu'il tomba derrière elle. « Quoi ? Je ne puis même pas me servir de la voiture et du chauffeur ? » ?»« Sans mon autorisation, non. Je vous l'ai dit, cher ami, je ne veux pas que vous me quittiez, du moins sans motif valable. » Pliez-vous donc de bonne grâce à ma volonté. » De bonne grâce ? Ah, certes non. C'est odieux de me priver ainsi de tout. C'est... » Madame de Camparène entrait à ce moment. Mao se tourna vers elle en continuant avec véhémence. Oui, c'est odieux. Vous ne pouvez admettre cela, grand-mère. Quoi donc, ma chère enfant ? Madame de Camparène regardait la physionomie agitée de la jeune femme avec un air de surprise mêlé de désapprobation. « Que Lionel m'empêche de me rendre à Nice, de prendre quelques distractions, qu'il prétende me river ici sous prétexte qu'il ne peut se passer de moi. » La comtesse toisa Mao d'un regard dur. « Lionel est votre mari, dit-elle sèchement. Votre devoir est d'accéder aimablement à son désir qui prouve son grand attachement pour vous. Je pensais que vous auriez assez de cœur et de reconnaissance pour le comprendre. » Là-dessus, Madame de Camparène s'assit et sonna pour ordonner au valet de chambre de relever le fauteuil de Mao. La jeune femme était demeurée abasourdie par cette mercuriale. Elle prit machinalement la main de Laetitia, revenue de la veille, qui entrait, bientôt suivie du vieux comte. Puis apparut Gemma, qui jeta sur le visage empourpré de sa sœur un regard inquiet. Pendant le déjeuner, Mao ne dit pas un mot et refusa de tous les plats. Monsieur de Camparène s'en aperçut, en dépit de sa distraction habituelle, et demanda « Êtes-vous souffrante, chère petite ?» « Non, pas du tout, grand-père, » répondit-elle brièvement. Lionel dit d'un ton bénin, avec le plus doux sourire à l'adresse de sa femme, « Nous avons eu une toute petite discussion. Les jeunes femmes ont quelquefois des caprices, mais Mao est au fond très raisonnable et ce nuage se dissipera vite. » Mao lui jeta un regard noir et serra les lèvres comme pour retenir une trop vive riposte. M. de Camparen eut un rire indulgent en disant « Eh oui, jeunes gens, vous vous réconcilierez vite !» Gemma ne vit sa sœur seule que le soir, un peu avant le dîner. Elle entra dans sa chambre en coup de vent et se jeta sur un fauteuil, sans souci de froisser la robe de satin laine dont elle était vêtue. « Enfin, pas un moment de liberté depuis le déjeuner !» Il a fallu faire sa partie d'échecs, lui lire je ne sais quel livre idiot, lui servir son thé, déchiffrer avec lui de nouvelles musiques. Jamais il n'avait été si exigeant, comme s'il voulait bien me démontrer ma dépendance ou me punir de ma révolte. Peut-être les deux. Ah, s'il continue ainsi, je vais le détester. Et Madame de Camparen, quelle hypocrite! Toutes ses amabilités sont finies maintenant et elle ne s'est pas gênée non plus pour me faire entendre que je dois être très reconnaissante, que je dois m'incliner devant les caprices de Lionel qui prouve son amour pour moi, paraît-il. » Gemma, intimement désolée, l'exhorta à la patience. Mais celle-ci n'était pas la vertu principale de Mao. L'esprit d'indépendance, chez elle, se heurterait sans cesse aux exigences de Lionel et les conflits seraient continuels. Madame de Camparen aurait pu, peut-être, agir efficacement sur son petit-fils pour obtenir qu'il tempérât un peu son égoïsme. Mais elle n'y semblait pas disposée, bien au contraire. Laetitia aurait-elle quelque influence sur lui? Il semblait la tenir en assez grande considération. L'écouterait-il si elle lui représentait le danger de pousser à bout sa jeune femme? Quelle que fût son antipathie à l'égard de la comtesse Camparini, Gemma se décida à lui parler un dimanche où elles revenaient toutes deux à pied de l'église, tandis que Mao, toujours paresseuse, remontait en voiture comme de coutume en compagnie d'Auberte. Laetitia écouta Gemma sans l'interrompre, puis elle dit, de sa voix lente et froide, je reconnais que Lionel exagère, mais c'est un infirme et, comme tel, il croit que tous les sacrifices lui sont dus. La paix de leur ménage, je ne crois pas qu'il s'en soucie. Il considère que Mao lui appartient et qu'il peut la tyranniser comme bon lui semble. C'est très regrettable, je le répète, mais nous n'y pouvons rien. Après un petit temps de silence, elle ajouta « Conseillez-lui de se montrer docile, d'accepter son sort sans révolte. Cela vaudra infiniment mieux pour elle. » Ainsi, il n'y avait pas à compter sur Laetitia pour faire entendre raison à son cousin. Comme, d'autre part, la soumission de Mao restait fort problématique, Gemma ne voyait pas d'issue favorable à cette situation. En rentrant au château, elle alla, comme chaque matin, faire avec Auberte une promenade dans les jardins. Les petites filles avaient depuis quelques jours une nouvelle institutrice, une Anglaise, dont Madame de Camparen avait eu les meilleurs enseignements par des amis de Dinard, mais Gemma avait obtenu de surveiller la santé d'Auberte, qui demandait encore des soins, de la vigilance. Ainsi, elle pouvait continuer d'entourer de son affection discrète la silencieuse enfant dont le cœur inquiet s'était donné à elle. En revenant, elles furent appelées par Lionel, assis sur la loggia. Près de lui, sur une table, se trouvait une corbeille de vieux saxe dans laquelle il disposait des fleurs. Gemma reconnut celle qui se trouvait dans le petit salon de Mao, toujours garnie par ses soins. Voyons la mine de cette petite convalescente. Pas mauvaise vraiment. Un peu pâlote encore, mais je ne pense pas qu'elle ait jamais les joues roses de Joyce. Il tapotait la joue d'Auberte, qui s'inclinait vers lui en murmurant « Bonjour, papa !» Ce séjour à Dinard a été réellement très favorable. Vos bons soins y sont aussi certainement pour quelque chose. Gemma, voulez-vous des œillets? Tenez, choisissez. Sa main longue, étroite, aux ongles aigus, éparpillée sur la table des œillets énormes, couleur de pourpre, de citron, certains d'un rose d'aurore, d'autres d'un blanc crémeux, délicatement panaché de carmin ou de rose. Voyez, je prépare la corbeille pour Mao. Regardez la Cynthia, elle est plus belle aujourd'hui que jamais. Il montrait la grande, la splendide rose, au ton d'or et de feu. Je la mets toujours dans la corbeille de ma chère Mao. Je le lui ai promis pendant nos fiançailles. Cette voix doucereuse, ce sourire, Gemma contenait avec peine sa répulsion. Elle dit, en s'efforçant de sourire elle aussi, « Vous êtes un peu sévère pour elle en ce moment, Lionel. Permettez-moi de vous le faire remarquer. » « Sévère ?» Il parut chercher. « Ah, c'est à propos de son désir d'aller se distraire hors d'ici. Mais Gemma, est-ce que vous avez besoin, vous, d'aller prendre le thé, papoter, passer vos soirées au casino ? Vous vous contentez de l'existence qu'on mène à Bruxelles et qui a bien des agréments. Pourquoi Mao ne le ferait-elle pas aussi ?»« Mao a une nature différente. Vous avez pu vous en rendre compte, Lionel, et elle vous a plu ainsi. » Mais elle aussi a eu tout loisir de me connaître, de voir que je déteste toutes les mondanités, que je n'ai pas le goût des déplacements. Elle pouvait donc prévoir quelle serait sa vie près de moi. Ainsi, elle a accepté en connaissance de cause. Que pourrait-elle me reprocher ? Strictement, il avait raison, Gemma devait le reconnaître. À ceux qui ne considéraient que la surface des choses, Mao semblerait toujours dans son tort. Lionel, avec les habiletés de l'hypocrisie, savait mettre le bon droit de son côté. De ses longs doigts aux ongles brillants, il maniait les fleurs éparpillées devant lui. Puis, prenant la belle Cynthia, il en aspira lentement le parfum. « Non, je n'ai rien à me reprocher, mais Mao deviendra plus raisonnable bientôt. » Elle se contentera de notre bonne vie de Bruxelles. Oui, elle sera plus raisonnable, la chère Mao. » Il souriait toujours, ses paupières s'abaissaient, voilant à demi ses yeux au trouble regard. Le malaise de Gemma s'accentua. Elle dit froidement, « J'espère que vous le serez tous deux pour votre bonheur mutuel. À tout à l'heure, je vais ramener Aubert à Miss Benton. » Et prenant la main de l'enfant, elle s'éloigna avec une sorte de précipitation.